cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fi darsina al-akhir, qara'na al-fasl al-thalith fi shurut al-nikah, ay les conditions pour que l'acte de mariage y soit sahih. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il a cité deux conditions. Rida al-Zawjain, ay que l'homme et la femme y soient d'accord. Amma si l'homme il n'est pas d'accord, فالعقد il n'est pas sahih. Et كذلك si la femme elle n'est pas d'accord, فالعقد il n'est pas sahih. فلابد من الرضا, qu'il soit d'accord. ثم il a cité الشرط الثاني الولي, ay أن هذه المرأة لابد لها من ولي, ay un homme qui la représente. تقدم معنا أن الولي أقارب الزوج, سواء من الأصول أو من الفروع, أو أقصد أقارب المرأة لكن من جهة أبيها, أي que ça soit son père bien sûr, أو son grand-père, أو son fils, أو son petit-fils, أو son frère, أو كذلك le frère de son père, العم. أما du côté de la mère, تقدم معنا أنهم ils font pas partie de العصبة, ils sont pas pris en compte في هذا الحال. لا نكاح إلا بولي. الحديث il est ثابت, il est صحيح. On n'avait pas fini la lecture, فنكمل ثم on cite certaines مسائل liées à ce chapitre, أي نكاح أو شروط النكاح. أولا نفني ونستعرتها قوله عليه رحمة الله ولا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه فإن هذا من الخيانة. هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله إلى أولياء النساء, أي il les conseille et يتقوا الله عز وجل, et il leur rappelle أن cette fille c'est pas de la marchandise. ربما واحد qui n'a pas la قدرة على الزواج, il n'est pas prêt pour الزواج, لكن il a de l'argent et ce père il veut profiter de cet argent. ربما cet homme il lui donne une somme pour qu'il accepte de marier sa fille et هو il autorise. هذا لا يجوز. كما قال الشيخ ابن عثيمين هذا من الخيانة. لماذا؟ لأن الله عز وجل il a donné cette مسؤولية عظيمة au père, أو celui qui prend la place du père si le père il n'est pas présent أو il n'est pas capable. Donc ce wali il a une مسؤولية عظيمة, il n'a pas le droit de trahir cette fille, cette femme في هذا الحال. ووعدهم c'est العكس, أن واحد il a القدرة من الرجال, ربما il est à la دين واستقامة, et demande la main de cette femme, et هذا الولي il refuse. لماذا؟ لأن ربما il a pas beaucoup d'argent, أو il accepte pas certaines avances de ce ولي. ربما يحاربه, et il l'empêche de se marier avec cette femme alors que la femme elle veut, elle est d'accord. هذا سنمنطخ أن بعض تصرفات هؤلاء الأولياء certains responsables de certaines femmes في الحقيقة ils font des choses très très graves, ظلم للمرأة, et كذلك des مخالفات qui font du mal à ce ولي lui-même. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة, celui qui est injuste il rendra des comptes يوم القيامة. الإنسان يتقي الله, celui qui a une fille ou qui est responsable de sa sœur ou de sa nièce, ou كذلك c'est le wali de sa mère ou autre, wali yattaqillah, c'est une mas'ouliya azima, et celui qui ne sait pas il demande, celui qui a un doute yatashawar, lianna ahyanan sahih anna dans certains cas l'affaire elle n'est pas claire. Rubama ils ne connaissent pas cet homme très bien, liannahu il vient d'une autre ville ou d'un autre pays, rubama ils ont peur de certaines choses. Il y a des solutions, il y a des solutions. L'insan yatashawar, il demande l'avis de ses proches, kadalik, il attend, il ne se précipite pas. Hatta yunzar, est-ce que hada rajul, il est convenable pour être marié à cette femme, amla. Amma dhulm, rejeté à cause des origines, l'asabiyya, ou rejeté à cause de la pauvreté, ou rejeté à cause de rumeurs infondées, tout ça la yambari. Khassatan, si la femme, elle veut. Les pères de famille ou les responsables ils doivent bien comprendre le mariage c'est pour cette fille, cette femme. Le père il a un rôle à jouer, il est wali. Il n'a pas envie de dépasser les limites. C'est lui qui va se marier. S'il n'est pas d'accord avec telle chose, il refuse. Là, c'est la femme qui va se marier. Enfin, si elle est d'accord, elle aide, bien sûr, il s'entraide avec sa vie, fait voir des choses, mais sans être injuste. قال شيخ العثيمين وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا verset du Coran. Et en réalité, chacun de nous doit méditer. Et on doit tout faire pour mettre en application. En Allah subhanahu wa ta'ala harma al-khiyana. L'anna cette mes'ouliya est d'être wali, d'être le tuteur de cette femme. Qui c'est qui l'a donné à cet homme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas. C'est une condition pour la validité du mariage que le wali soit présent. Ce wali n'a pas le droit de dépasser les limites et de trahir cette femme, alors qu'il avait cette responsabilité azim. Et probablement cette femme, ça peut être sa fille ou sa soeur ou autre, elle lui faisait confiance. Fahada la yajuz. Qala wa qala ta'ala, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyatih. Naam. Al-wali la bout qui se souvienne annahu, il aura des comptes à rendre. S'il est injuste envers sa fille ou injuste envers cet homme, il aura des comptes à rendre au jour du qiyamah. Fal mas'ouliya, celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette responsabilité, fa yajib alayhi de prendre soin de cette ni'ma et de faire des efforts pour remplir son rôle. Si c'est le wali, il a des choses à faire pour préserver cette femme, et alhamdulillah. قال وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده ويرد آخر وآخر ومن كان كذلك فإن ولايته تسقط ويزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب. أن البعض certains pères مثلا avec leur fille واحد il la demande en mariage. Elle est d'accord. Le père, il refuse. Allah a'lam limana. Thumma un deuxième, il refuse. Thumma un troisième. Hada dhulm lilbint. Pourquoi? La fille, elle a le droit de se marier. C'est min huquqiha. Qui c'est qui lui a donné hada al-haq? C'est Allah Azza wa Jal. Tant que c'est dans le halal, alhamdulillah. Hada al-ab yadlumuha. S'il continue à être injuste à hakada, et sans raison, il repousse à chaque fois les hommes qui viennent demander sa fille en mariage, ففي هذا الحال كما قال الشيخ رحمه الله أن ولايته تسقط. أنه il a plus sa parole à dire في هذا. لماذا لأنه سأظالم. Il est remplacé par l'aqrab. فالأقرب on avait vu l'ordre في الأولياء. مثلا si le grand-père de cette fille et le père de cet homme il est encore vivant, il prend la place de son fils avec du premier wali. Ça devient lui le wali et il marie cette fille. على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال, ce genre de question c'est du cas par cas. Et ne pas ouvrir la porte à chaque fois que le père Obama y a un problème, à la fille elle demande à un autre membre de sa famille qu'il la marie. Là, c'est pas hakada. L'erreur ça vient du côté de la fille, ahyanan ça vient du père. Enfin, c'est du cas par cas. On peut pas résumer nous dans un dars en quelques minutes toutes ces masaïl. Enfin, celle qui est prouvée par Hada, ou celui qui est prouvé par Hada, yas'al ahad al-ulama sur son cas, et en détaillant les questions dans ce domaine, il faut les détailler, ikhwan. لماذا لأن يدي حقوق عظيمة La fatwa, ça peut être na'am, tu peux te marier. La fatwa, ça peut être là. La fatwa, ça peut être ce wali. Il a pu être wali, li'annahu sanzalim. L'affaire, elle n'est pas si simple. Et Al-Ba'd, il pose des questions par rapport à Al-Hawa, par rapport au patient. Et le shir que tu vas questionner, il va répondre par rapport à la question. À la question elle-même, il faut du temps. Hatta la ahad yudlam. C'est une nasiha de ne pas prendre ce genre de doros des fatwas. Là, aslan, on n'est pas ahlan lil fatwa, et cette lecture qu'on fait, nous, c'est des fawa'id sur un nikah. M'apprendre d'un dars une fatwa et dire Foulan il a dit donc je fais, c'est pas hakada, c'est pas sahih. Pourquoi? Le cas par cas, le hukm peut changer. Enfin, celui qui est touché par hada, il pose sa question. Ma situation, c'est telle chose, enfin, que dois-je faire? Et le shaykh va lui répondre. Avec Adillat al-Kitab wa Sunna, Inch'Allah ta'ala. On cite des masa'il pour compléter هذا الباب المهم. أولا, هل يشترط أن يكون الولي مسلما? Cette question, elle revient beaucoup. Est-ce que ce wali, il faut forcément que ça soit un musulman? هذا, ça arrive beaucoup avec les sœurs qui se convertissent à l'islam. Et son père, c'est un kafir. Enfin, est-ce que dans ce cas, ce père de cette femme muslima, est-ce que c'est son wali? قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Ce verset montre أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أي الكافر, ça peut pas être le wali d'un mu'min. ونقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه ليس للكافر ولاية على المسلمة. L'unanimité des imams de la Sunna, أن الكافر ça peut pas être un wali d'une muslima. Cette muslima, si son père il est kafir, son père ça peut pas être son wali. Attendre, est-ce que son grand-père c'est un musulman? Il va prendre la place de son père. Si son grand-père c'est un kafir, attendre. Si elle a un fils, si elle a déjà été mariée, elle a un enfant, ça sera son wali. Si elle n'a pas d'enfant, ou son enfant, ce n'est pas un musulman, elle regarde son frère. Si elle a un frère, si ce n'est pas un musulman, elle regarde son oncle, le frère de son père. Wal-imam Nuqdama, rahimahullah, kadalik, naqala al-ijma'a. Donc, al-khulasa, an al-kafir, il ne peut pas être wali d'une femme musulmane. Une deuxième question qui va se poser l'un, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيًّا مُسْلِمًا. Si elle n'a pas de wali musulman, son grand-père c'est un kafir, son père c'est un kafir, son frère c'est un kafir, sa famille s'est restée des kuffar, وَهِيَ بِحَمْدِ اللَّهِ أَسْلَمَتْ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الحديث حسنه الإمام الألباني وكذلك الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. فالسلطان ولي من لا ولي له. أي le gouverneur, ça devient le wali pour la femme qui n'a pas de wali. السلطان, هنا معنى السلطان c'est le hakim, ou bien sûr ceux qui travaillent pour le hakim. Que ça soit le ministère qui s'occupe de ses affaires, ou que ça soit les juges dans les tribunaux dans les pays musulmans. Al-Muhim, une jiha rasmiya dans un pays musulman qui vont s'occuper de ces choses. Cette femme, elle peut se marier avec l'autorisation du sultan, ou de ceux qui travaillent pour le sultan. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم خلافا بين أهل العلم لأن في أن للسلطان في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها. Donc il n'y a aucun khilaf بين أهل العلم. La femme qui n'a pas de wali, son wali, ça devient un sultan. Aïe, le gouvernement, ou l'administration qui est en charge de hada, la femme, elle se marie avec leur autorisation. قال والسلطان ها هنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك. نعم. هذا c'est clair. Troisième question, et ça suit ma تقدم. إن لم يكن للمرأة ولي ولا ذو سلطان. هذا صغير في بلاد الكفر. Si cette femme n'a pas de wali musulman, et tous les membres de sa famille, c'est des kafara. Kadhalik, elle vit dans un pays de kufr. Donc les juges c'est des kuffars, le gouvernement c'est des kuffars, ils peuvent pas la marier kadhalik. On parle nahnu al-an al-aqd al-shar'i. Qala ibn Qudamah rahimahullah bil Mughni. Fa in lam yujad lil mar'a wali wala dhu sultan. فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. Si elle n'a pas de wali muslim et elle vit dans un pays de kafara, il n'y a pas de juge muslim, il a akhiré. فالإمام أحمد يقول رحمه الله أن un homme de confiance parmi les muslimines, il l'a marié. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة ووجه ذلك أن اشتراط الولي ها هنا يمنع النكاح بالكلية فلم يجوز أي si cette femme elle a pas de tuteur muslim كذلك elle est dans un pays de kafir, il n'y a pas de muslim, les juges, l'administration il a akhiré. Si on la laisse هكذا elle ne pourra jamais se marier وهذا c'est ça contredit Ça contredit tous les textes qui encouragent à se marier. Ils ont dit une personne de confiance, il la marie. Min al-muslimin. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها. Si cette femme elle est dans un endroit, il n'y a pas de gouverneur musulman. Et كذلك, elle n'a pas de tuteur musulman. فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال. أي الإمام القرطبي رحمه الله يقول dans ce cas-là un de ses voisins il la marie من المسلمين personne de confiance et il la marie et dans ce cas-là ce muslim ça devient son wali dans ce cas précis. قال لأن الناس لابد لهم من تزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في هذا الحال الإمام القرطبي رحمه الله يقول أن cette femme elle a besoin de mariage et elle est dans une situation où elle a pas le choix, elle a recherché, elle a pas trouvé. Un homme parmi les musulmans de confiance il la marie. تنبيه قال الإمام ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب إذا كانت في بلاد ليس فيه حاكم ولا قاضي ولا ولي كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر شيخ الإسلام إلى سيت الإكزامبل أي دي مسلمين كيفي في بلاد الكفر سعغيب هذا أن المسلمة السي كونفيرتي ولله الحمد سافامي سي دي كفر إل في دون بي دو كفر Donc elle se retrouve sans wali. قال فيزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي. شيخ ابن باز رحمه الله يقول أن celui qui la marie c'est رئيس un مركز. Dans certains pays de kufr il y a des مراكز. إما une école, إما مسجد. Et le responsable في هذا الحال c'est lui qui s'occupe des affaires des musulmans. Dans ce cas c'est lui qui marie cette sœur. على كل حال on a cité نحن هذا الكلام pour démontrer أن في هذا الحال كذلك cette sœur elle revient à أهل العلم ne pas ouvrir la porte à tout le monde لأن البعض لا يحسنون ça peut être un voisin ولا يحسن هذه الأمور ربما il la marie avec quelqu'un qui ne mérite pas et il fait du tort à cette sœur وهكذا بعض المسؤولين que ce soit des maraquises ou des jam'iyats ou des massages du bilal al-kufr, c'est min ahl al-dhalal. Rubbama, il marie cette fille et il ne fait pas attention et cet homme, c'est un chi'i ou un takfiri khabith. Et il fait du mal à cette sœur mesquine. C'est pour ça que dans ce cas, cette sœur, elle revient à ahl al-ilm et elle demande comment faire sa situation. Par rapport au pays, ça peut changer. Par rapport au cas de cette sœur, ça peut changer. وأفضل الحال أي la meilleure des situations pour cette sœur بإذن الله عز وجل c'est de se déplacer dans un pays muslim si elle met comme condition de se marier avec un homme et elle quitte بلاد الكفر et elle se marie dans un pays muslim avec cet homme Alhamdulillah dans les pays muslimines ils ont l'habitude de ce genre de cas et ça se règle très très rapidement. C'est le qadi qui la marie ou ou des personnes qui sont réservées pour cela. Si la sœur elle peut pas et elle veut se marier hunak et elle peut pas se déplacer il a arif, elle revient à ahl al-ilm. Et on conseille les sœurs mariées de l'aider via hada al-hal. De l'aider hatta il trouve une solution, que ça soit un homme de confiance, que ça soit l'imam qui l'a marié, alhamdulillah, il y a plusieurs solutions. On répète, nahnou, on a ce genre de durous, ce n'est pas des fatawas. C'est pour ça qu'on a à chaque fois de revenir à Ahl al-ilm. Il y en a le bas, ils écoutent les durous et ils comprennent mal. Et ils prennent wa'd al-kalimat, un fulan, il a dit, et ils vont fonder un hukm sur hada. Là, al-fatwa, ça revient à Ahl al-ilm, khassatan dans ces masa'il. Vous avez remarqué que bab al-nikah, ce n'est pas simple. Fil fatwa, kadalik bab al-talaq. Et tous les chapitres concernant le mariage et le divorce, c'est pas simple, c'est pas tout le monde qui peut parler. Les mères, il y a des enfants en jeu, Obama, il y a des familles en jeu. C'est une femme, l'âne, qui veut se marier. Obama, tout l'homme, si on fait pas attention. C'est pas tout le monde qui parle. Et on conseille les frères de ne pas faire des fatwas via Adelba. Kadalik, ça ne suffit pas d'emmener la fatwa dans sa avance si elle ne correspond pas à la situation. Ahyanan ba'dhum yibqan il fatwa matalan de Cheikh Al-Fawzan ou de Cheikh Ibn Baz, et ils veulent appliquer une situation et c'est pas la même situation. Khassatan avec le temps, il y a des choses qui ont changé par rapport au pays. Il a arif al-insan, il s'habitue à demander à ahl al-ilm. Fi hada al-hal, elle a telle sœur, c'est cela sa situation, elle vit dans telle ville, il n'y a pas de markez. Dans certaines villes, il n'y a même pas de masjid. Comment elle doit faire? Elle ne peut pas se déplacer ou elle peut se déplacer. Al-insan, dans sa question, il sait tout. Le shir, il va lui dire, dans tel pays, tu fais de telle façon, dans certains pays, il y a des marakez qui sont connus, il a akhiri. Obama, il va lui dire de se rendre dans ce marakez. Dans certains pays, il n'y a pas. Il va lui dire de faire telle chose. Ala kulli hal, c'est du cas par cas. On fait attention, fi hada al-bab. On fait attention dans le bab du mariage et du divorce, c'est pas tout le monde qui parle. Fas'alu ahl al-dhikr, in kuntum la ta'lamoun. On répète ces durous, ça nous donne un aperçu de ce chapitre qui est très très important. Prendre des fatwas de ces durous pour agir, pour faire telle chose, il a un kharif. Une autre mas'ala, et on conclut ad-dars bihada, hal yushtarat lin-nikah shahidan. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité deux shorts faqat. Ridha al-zawjayn et le wali, deux conditions pour que l'acte de mariage soit valide, que les deux, l'homme et la femme, ils soient d'accord, et le wali, le tuteur de la femme. Ba'd al-ulama il rajoute un troisième shart, wa huwa c'est na'am les deux témoins, ash-shahidan. Il y a un hadith an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la nikah illa bi wali wa shahidain. La nikah illa bi wali, c'est un hadith sahih taqaddam. Dans une riwaya, ou dans un autre hadith, il y a le rajout wa shahidain. Et pas de mariage, pas de contrat sahih, sauf avec un wali, avec le tuteur de la femme, et deux témoins. Had al-hadith va'afahu wa'adu al-ulama. Certains savants, ils ont va'af had al-hadith. Et al-sahih, na'am, c'est qu'il est va'if. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fi al-sharh al-mumti', lakin had al-hadith va'if, la taqoum bihi al-hujjah. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'a pas cité les deux témoins dans les conditions. Il y en a pour lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, ce n'est pas une condition, les deux témoins. L'imada, il y en a le hadith et le va'if. Et pour citer une condition, il faut un délit. Lakin, il va nubbah avec un kalam important. Wa qala ba'd al-ulama, hada c'est kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, wa qala ba'd al-ulama, innahu yushtarat imma al-ishhad wa imma al-i'lan. Et ça, c'est important pour comprendre hadith al-mas'ala. Le mariage, dans notre dîn, l'islam, il faut, le jour du mariage, il faut que tout le monde sache. Quand je dis tout le monde, les gens du quartier ou du village, il faut que ce mariage, il y a al-i'lan. Et hadith al-umur, ça se fait pas en fi khufya. Et ne pas faire apparaître. Là, fa li hadha shuri'a. Pour nikah, que les femmes, elles fêtent le mariage avec douf. Et il y a l'i'lan, مثلاً, dans cette rue, s'il y a un mariage, il faut que les gens, ils le sachent. Donc tu as deux choses. Emma, les gens, ils vont le savoir avec les témoins, S'il y a deux témoins, ça veut dire déjà qu'il y a deux personnes qui le savent. Et la chèque, il y aura d'autres personnes. Ou al-i'lan, il y aura encore beaucoup plus de monde. Maintenant, dans cette rue, s'il y a un mariage, il y a l'i'lan, al-i'lan avec des choses mashrou'a, et éviter le haram, bien sûr. Dans le quartier, ils vont savoir, on a la fille de telle maison, ou l'homme de telle maison, il s'est marié, il a akhir. Et ça, c'est important pour l'islam. Pourquoi ? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. قال إنه يشترط إما الإشهاد الإشهاد سلي دو تيمون وإما الإعلان أي الإظهار والتبيين أي que tout le monde sache que tel homme ou telle famille se marie. Pourquoi? وأنه إذا وجد الإعلان كفى لأنه أبلغ في اشتهار النكاح وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا. Pourquoi notre دين il nous rend obligatoire que ce mariage il soit apparent, les mains pour éviter, fermer les portes aux personnes de mauvaise foi. Si ce mariage n'est pas zahir, mu'lan, il fait zina avec une femme, si il l'a vu, ou il l'a usé, je me suis marié. Enfin, c'est pour ça qu'il faut un wali pour fermer cette porte. Hey, dans ce cas-là, on va revenir au wali. Si le wali dit là, là je ne l'ai jamais marié, elle ne m'a jamais demandé le nikah, il est batil. Kadhalik avec le wali, une deuxième chose pour renforcer al-i'lan, que tout le monde sache. On revient à notre mas'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen yaqul idha wujid al-i'lan kafa li annahu ablagh min al-ijtihad ou min al-ijtihar. Hey, si ce mariage, il est fait dans cette ville ou dans ce quartier, et tout le monde est au courant, c'est encore plus fort que deux témoins. Là, tu peux être dans un endroit, et on va donner une sourate maintenant, on est dans une ville, dans un quartier, où personne ne nous connaît, on peut donner un exemple plus fort, là, on est dans un endroit, dans un quartier, il n'y a qu'une maison, et on a deux témoins. Est-ce que le mariage, il est valable? Non. Qui c'est qui va être au courant de ce mariage? C'est que les deux personnes. Et si on fait sortir, bien sûr, la famille, que les deux témoins. Avec l'i'lan, c'est beaucoup plus fort. Obama, dans le quartier, des centaines, des milliers de personnes, ils sont au courant qu'il y a un mariage. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a conclu, même s'il n'y a pas de témoin, ça suffit. Qala, rahimahullah, l'anna adam al-ishhad fihi mahzour, wa annahu qad yazni bimra'atin, thumma yadda'i annahu qad tazawwajaha. Et le fait de ne pas avoir de témoin, bien sûr, s'il n'y a pas de témoin, et on prend le cas annahu kadhalik, le mariage il est fait en secret. Farabbama wahid yazni bimra'a thumma yakhthu annahu il s'est marié avec elle. Et personne n'est au courant. Ça ouvre un bab de façade. Iyadan billah. Donc notre din il a fermé la porte à hada. Qala wa laysa al-amr kadhalik fashtiratu al-ishhad li hada al-sabab. Donc c'est pour ça que les deux témoins ils sont légiférés dans notre din. Pour fermer cette porte, anna al-ba'd il s'amuse pas. Iyadan billah, les gens de mauvaise foi, ils ouvrent la porte, là, ils prétendent qu'ils se sont mariés, et personne au courant. Là, il faut deux témoins. Il faut deux témoins, fi hada al-hal. Si il y a l'i'lan, al-i'lan, ça veut dire que le mariage, il est fait aux yeux de tout le monde, et tout le monde est au courant. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, ça suffit. Pourquoi? Qala, lakin idha wujida al-i'lan. Qala, intafa hada al-mahdhur min babi awla. Donc, si le mariage, il est fait en public, tout le monde est au courant, il a arrêté. Alhamdulillah, cette porte, elle est fermée. Et cette porte qui est fermée par les deux témoins, elle est fermée kadalik avec al-i'lam. Qala, wa hadha ikhtiyar Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, al-ulama, ils disent que al-ishhad, les deux témoins, c'est une condition. S'il n'y a pas les deux témoins, le mariage, il n'est pas valable. Ils se sont basés sur le hadith, il est dhaif. D'autres savants, que Sheikh ibn Uthaymeen, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils ont dit, si il y a l'i'lan, les deux témoins, ce n'est pas une condition. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des deux témoins. Les deux témoins, c'est tayyib. Lakin, est-ce que c'est une condition? C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, les deux témoins, le mariage, il est batil. Inda Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh ibn Taymiyyah, le mariage, il est sahih. À la kulli hal, il faut un des deux. Amma, s'il n'y a pas d'i'lan, le mariage, il est fait en secret, personne n'est au courant. Et il n'y a pas de témoins, le mariage, il est pas sahih. عند الجميع. وهذا كذلك لقول شيخ ابن عثيمين Et qablahu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah. Et kadalik c'est tarjih al-allama Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Tanbihun qala Cheikh ibn Taymiyyah, un tanbih important sur ce sujet. Lakin yanbaghi al-ishhad wa yata'akkad. Cheikh ibn Taymiyyah l'a conclu, هذا الكلام c'est min sharh al-sharh al-mumti', il a fassal, il a démontré que c'est pas une condition les deux témoins. Thumma il a conclu qala lakin yanbaghi al-ishhad wa yata'akkad. Lakin il a conclu annahu il faut deux témoins. Limada? قال لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط. Surtout قال dans notre pays, il parle de l'Arabie Saoudite, c'est le cas كذلك pour notre pays, le Maroc, ici. أنهم pour eux c'est une condition les deux témoins. ففي هذا الحال قال لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح. Même s'il se passe quelque chose, de tsumma, il n'y a pas de témoin, enfin, le gouvernement, il va annuler le mariage. Il manque une condition. Donc, si tu vis dans un pays, il conditionne les deux témoins, prends deux témoins. Et à la kulihal, les deux témoins, c'est tayyib. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il a démontré, amal al-Sahaba, radiyallahu anhum, wa man ja'a ba'dahum, c'était al-hada. Il se mariait, il avait deux témoins. C'est pour démontrer, pourquoi Cheikh Ibn Taymiyyah, il ne l'a pas cité. Thomas te démontrer que c'est pas une condition, c'est-à-dire celui qui s'est marié, matalan, il n'y avait pas de témoin, alhamdulillah, son mariage est sahih, lakin celui qui veut se marier, khassatan, dans un bilad muslim, ou qui conditionne les deux témoins, va prendre deux témoins, walillahi alhamd. Hada. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, fanaqa fi mashakil, et si on prend pas de témoins, on peut avoir des problèmes avec al-hukuma, avec les autorités. فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده. Et ça c'est une conclusion طيبة. Dans les مسائل de نكاح, on en a déjà parlé, أن الإنسان يحتاط, il fait attention, il prend pas de risque. Maintenant, cette masala, y a khilaf. Est-ce que les deux témoins, c'est une condition, amla? Des savants disent c'est une condition, d'autres disent c'est pas une condition. Y a akhi, ils sont tous d'accord que les deux témoins, c'est mashrou. Prends deux témoins. Hatta tu sors du khilaf. Surtout si tu vis dans un pays, annahum, il conditionne les deux témoins. Al-imada te faire des problèmes. Mais là, prends deux témoins. Ça peut faire des problèmes que d'aller qu'avec, Aulia, Al-Nisa, Al-Mar'a, plutôt. Maintenant, l'homme, il veut se marier, et le père de la fille, le jour du acte, il veut deux témoins. Léana, kathir min al-awam, pour eux, c'est une condition. Bel, c'est qawl, kathir min al-a'im. Et cet homme, maintenant, il vient, il dit là, c'est pas obligatoire, c'est pas une condition. Obama, le père de la femme, il va avoir des doutes. Pourquoi il veut pas emmener deux témoins, il a akhiri? Et ce père, ce wali, il comprend pas hadil masa'il. Il comprend pas le khilaf, il a akhiri. On n'a pas le droit d'ouvrir ses portes. C'est pour ça que هذه المسائل في النكاح لابد من العمل بالاحتياط. Tu sors du khilaf et les choses où tout le monde est d'accord, fais-les. خاصةً si le bilad où tu vis, il conditionne cette chose. هذا والله أعلم. Et le prochain cours, inshallah, on lira الفصل الذي بعده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.